Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement, on vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif et on donne le coup d'envoi avec une nouveauté en provenance d'Italie, Phil Selvini and the Mind Rap. Premier essai pour ce groupe italien, l'album a pour titre Tetrus et pour être plus précis, T.E.T.R.U.S. Ce qui veut dire Time Eternal Try Redemption Unique Shine. Ce soir, on vous propose un premier extrait de cet album. L'extrait a pour titre Riding in the Fog. Et puis de Suède, une nouveauté du groupe Gösta Berlings Saga. L'album a pour titre Forever Now et c'est le 7e essai studio de ces Suédois. Et puis Marc, par la suite, on a une nouveauté en provenance du Québec. Oui, en effet, c'est la formation Enigmatic Sound Machines, formée de 2 musiciens, soit Jeremy Arrobas, qui est un membre fondateur de Men Without Hats, et de Thomas Zirmé, qui est un chroniqueur dans le rock progressif, entre autres sur Prog Archives, House of Prog. Il a également une page Facebook qui a pour nom Prog Rogue. Alors, Enigmatic Sound Machines feront paraître l'album In Perfect Silence le 1er août prochain. Et il y a comme musicien invité le bassiste Hansford Rowe, qui avait joué avec le Pierre Marlon Gong et Gongzilla, entre autres. Et la pièce qu'on aura pour vous ce soir a pour titre The Distance Between Here and Now. Et ce sera suivi de la nouveauté du musicien allemand Ole Mangler, l'album Tales from a Fairy World Part 2, qui est paru au mois de mai. La partie 1 était parue en 2021 et c'est lui qui compose, arrange et réalise toutes les pièces sur l'album. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Panic. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute l'émission de ce soir avec la nouveauté de Phil Selvini and the Mind Warp. Thank you.

De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Depuis quelques semaines, on vous présente des extraits d'un nouvel album du groupe néerlandais The Foundation. L'album a pour titre Relations. Eh bien, ce soir, on s'est dit qu'on pourrait peut-être vous faire découvrir le premier essai du groupe qui est paru en 2023 et qui a pour titre Mask. Et puis, des États-Unis, on va avoir une nouveauté, pas tout à fait nouvelle. C'est une réédition, comme vous pouvez comprendre. C'est le claviériste américain Tim Morse, qui fait partie notamment du groupe hommage à Yes Parallels, qui, pour souligner le 20e anniversaire de la parution de son tout premier album qui a pour titre Transformation, vient de lancer une nouvelle édition remaster avec version et démo. De cet album, on vous propose ce soir la pièce Sacred Skies. Et puis Marc, retour aux Pays-Bas avec une nouveauté. Oui, il s'agit ici du guitariste, bassiste et compositeur Baron Tromp, T-R-O-M-P, ne pas confondre avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche aux États-Unis. Alors, comme tu le disais, c'est un musicien néerlandais. Il a étudié la guitare classique au conservatoire de Tilburg et a une maîtrise en sciences musicales de l'Université d'Amsterdam. Il a voyagé à travers l'Europe et a développé une passion pour la musique indienne où il a appris la sitar. Son premier album, intitulé Six Against Four, est paru en 2021. Un album où il a pu démontrer tous ses talents de multi-instrumentiste. L'année suivante, en 2022, est paru son second album, Juvenile Fish Tales. Il a été lancé sous la maison de disques Subcontinental Records, basée en Inde. Cette année, il fait paraître son troisième album, qui a pour titre Odd Time Concept. Et il est produit par la maison de Trey Gunn, ce multi-instrumentiste qui a fait partie de King Crimson dans les années 90 et 2000. L'album est composé de 7 pièces et comme le suggère son titre, on y explore des signatures rythmiques qui sont peu communes, avec la collaboration de 4 batteurs, incluant Pat Mastelotto, qui était justement dans King Crimson. Il y a également un solo de War Guitar par Trey Gunn sur une des pièces. Alors, ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est les extraits 4 et 5 de la pièce Chromatron, suivi de la pièce 13. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce second bloc de l'émission avec une pièce de la formation néerlandaise The Foundation. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation espagnole Vientos Moderados del Este qui faisait paraître à l'automne 2024 leur premier album intitulé Un Manuel del Signos y Síntomas. Et on aura pour vous ce soir un nouvel extrait de cet album, dont on a fait jouer plusieurs extraits jusqu'à maintenant. Je ne vous prononcerai pas le titre de cette pièce à rallonge, mais on vous invite plutôt à consulter notre page Facebook Terra Incognita ou notre site web terraincognita.québec dans la section radio pour consulter les titres des pièces qu'on fait jouer aux émissions et également accéder au podcast. On aura également une pièce du nouvel album de la formation américaine Eden Song, tiré de Our Road to Dust, une formation qui nous a rendu visite à Québec récemment dans le cadre du festival Terra Incognita et qui a donné toute une performance. Et d'ailleurs, cette pièce-là, c'était quelque chose, The Illusion of Permanence. On a également la nouveauté de la formation canadienne Half Past Four, une formation originaire de Toronto qui vient de faire paraître son nouvel album, troisième en carrière, intitulé Finding Time. On aura pour vous la pièce Shake Your Head. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une nouveauté d'une formation basée aux États-Unis et dont le compositeur principal est d'origine russe. Oui, un groupe qui a fait ses débuts en 2001 sous le nom de Lost World, puis qui a adopté en 2009 le nom de Lost World Band, un groupe qui, on pourrait dire, est passé un peu sous le radar puisqu'on vous présente ce soir des extraits de son 10e disque studio, qui a pour titre Remission, et on peut dire que la formation est particulièrement active ces dernières années, puisqu'en 2024, deux albums ont été présentés, A Moment of Peace et The Dawn. Ce soir, de l'album Remission, on vous présente la pièce Deep Steel Part 2. Where do you think you were last night? Shake your head, shake your head. They're trying to sell you all again. All the birdsong in the dying trees. Shutter the window, I don't wanna hear. Run! Hey, this is James from Eden Song, and we are very excited to present a new song from our brand new album, Our Road to Dust. And then Illusion of Permanence is more or less the opener of our new record, Our Road to Dust. So it's also pretty unrelenting song. It's got, you know, it's got a crazy instrumental in the middle, but I feel like the entire song is crazy instrumentals. So, I mean, it's also fun to play, but also a little scary. We say our prayers before every time we play this one. Time. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation norvégienne Georgia, tirée de leur album Saliget, paru en 2023 avec la pièce Ura. Également tirée du plus récent album de Limite a que Sicure de l'Italie, on aura une pièce de l'excellent nouvel album Un altra mano di carte, leur second en carrière, vraiment vraiment excellent, c'est tout à fait dans mes coups de cœur de cette année, avec la pièce Il racconto di Juan della sua terra. Et pour débuter le bloc musical, Michel, un nouvel extrait d'une nouveauté d'une formation en provenance du Royaume-Uni, des musiciens qui semblent très inspirés de la musique de Genesis période Nursery Crime. En fait, lorsque le multi-instrumentiste Gerard Freeman a mis sur pied The Book of Revelations en 2017, il y avait comme but avoué de recréer la musique de Genesis de l'époque Nursery Crime, Foxtrot. Et on peut dire qu'il a très bien réussi avec ce nouvel essai qui a pour titre Olympus Mons. Ce soir, on vous propose de cet album la pièce Bacchus Up. Thank you. damned clan. Say a prayer that no one died. Sabotage the plan. I want MTV, I want Netflix. And get me front page news. I want Spotify and iTunes. I want all 5-star reviews. So promise them anything. Promise the earth. Who cares these days what a promise is worth? We've got to get the band back together. Get the band back together again. I want a second 15 minutes of fame. Let's give the kids who think they're all right something to write. Fra le piante di mango che si udiva quel canto di magia e divinità. Corrigliere imponente fra foreste e palazzi ed antiche civiltà. E due oceani come un velo di omertà. Per i più non sconderà. Terra di conquista, in nome di un dio egoista arrivò la civiltà. Fatta di sangue e violenza, preghiera, penitenza, finto amore e carità. Nel dolore un mondo nuovo sorgerà. Usurpando avanzerà. Mare amico, chi proteggerà? La mia gente, chi proteggerà per me? Salverà la mia gente, chi la salverà per me? Poi gente nera, nera come la sera, dall'oceano arriverà. Non a passo di danza, fa frustate violenza, il tamburo suonerà. Nuovi ritmi e suoni insieme fonderà. Il meticcio canto che ora s'alzerà per me. Vento amico, la mia gente, mescolanza delle più diversità. Thank you. ma la frustrazione d'essere salvo un padrone è una triste realtà. Un tu sia nero rapito, poi nato e cresciuto, stessa sorte toccherà. Dittatura e cultura, polizia e poesia, ignorante povertà. Allora rivoluzione, cambia sempre il padrone, ma sarà poi verità. Ma una voce chiara per chi ascolterà, forse un coro si alzerà. Questa terra, continente, tanta gente, tante le difficoltà. In coro il canto se s'intonerà, la speranza un senso avrà. Thank you. shake nude på sjante trakt utan färd. L'émission de ce soir, on a retenu une pièce du groupe Il Bacio della Medusa. C'est un extrait de l'album Discesa l'Inferi d'un Giovane Amante qui est paru en 2008. C'est le second essai studio de ces Italiens et je vous dirais que pour ma part, je le considère comme probablement encore le meilleur album du groupe. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous et si ce n'est pas encore fait, ben je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. We'll be right back. Thank you.